tes préceptes est au-dessus de toute loi. Je suis Gabriel Kabongo, Paul Kabeya, le mystique. Monte mama be, saba efa satana. Isale li ma be, sanga diplome, sanga brevet. Ce n'est pas important, osa la diplome na ma sanche. Tope licencié, naranki. Oui, na kofi na kote la kose kabanina. Isa édikase ma parent, ma fe sanga jamais mandae. Mate anga mboli, kobo poto na baninga. Sans pouvoir vivre. Yango Nandimi Dolenge, Jean-Paul Sartre à l'Opa, l'enfer c'est les autres, Namokili et Kenge. Papa Ochombe, moi na moi et Baba, le président Paul Biya, Papa Nayon Lubitch, Boyoki Rumba Africa, Excellence Yusundur. Eba, Monte Mama Beza Baevra Satana, Bizale Lima Bezanga diplôme, Zanga brevet. Ce n'est pas important, ça la diplômé na ma sanche. Topé licencié, na ranki. Oui, na kofinga kotchola kose kabaninga. Et ça édika samba para, ma pesanga jamais mandae. Bate en rapport, koba bato na baninga. Savoir vivre, des mots de vinangara. Yango na limido lenge, Japolo satraloba. L'enfer c'est les autres, na mokili e kenge. Excellence Alphonse Ngoy Kassanji, Marco Bangouli d'industriel. Le roi de Bachilanga, Kalamba Wanfwana. Jalousie, je gouverne Mitema Yabato Koka moi. C'est vrai. Batongi est comme un plat préféré, alors les moi bato. Mawa. Ah oui, yo yo. Pourquoi mieux sponsoriser du Wapoya Koka Matangaï? Yalwin. Ça mène à ma chambre à Koti Kabolongae. La musique n'a pas de Matangi, n'a pas jamais. Sasana bino ya manchar nana kenda kate boko malukali wa mara moto tandis kasana ye inosa oh oh oh oh oh bi secret ya manzaka nyau ezaka kampuku ata morobino bi mosala punda eske kuna ngana sa ali kakate mana wa somo kakoswa otolu Excellence Théophile Mbemba. Le monde n'est pas méchant, Kasimoto Nazali Mabe. Maman Robaka Nangana Kokole, Sika Kotchalo Kolo. Yezu Kutu Motwa Teka Yaka Disciplinae. Parfois Moto Yoko Linga Yendendo Kia La Vina Yo. Ce n'est pas la peine, Boyinanga. Excellence Marcelin Tichambo, Excellence Moïse Katumbi Tchapwe, Tema et Maman Karine. Alinga Kate, Mana, soit mon kakoso, Kamotolu Nanga, si Kabakuna est un secret, mais normalement, Ligorado, Akabeli Tchapwe, Koko Kana, Monene Nazokote. Honorable Chadam, Christophe Muzungu, Jean-de-Pierre Badiata Noble, Olivier Machagir, Hugues Golondele, Messieurs les maires. C'est quel est un tango? Au bien à ma boko yam polo. Le président François Nduna. Kipambi Chintwa, Numérica. Jean-Marie Kassamba, Télé 50. Tokos. Mon père Brassard. Excellence, allez moi Sakali. Maman Thérèse Olenga. Na pesi bina belesie. Na masama la vimbonanga. Na kopanga nangelo kuteo. Zambe yede ayedie. L'impératrice Wivine Molenga, Henriette Wa. Bozo bakanga. Fona nini bozo tongonga. Honorable Patrick Mouyaya. Son Kanza, na mama ya mobesu teo. maître Liolo. Batongo kukaka baye balela Boyoka lisese ya Daniele o Alonga na libulu ya bangosi Kutema na epembe likambo na motote Mongo ya nzambe ati ya limoso Tongo pokuwa kaka na losambo e Lukola mga yoyo na kolonga e Mère et le pacificateur. Soukouma, Pacho Panda Soukouma. Les barons fidèles de Castro, Aimé et Salo, Toumama Sikimia. Bokaka Alain Kandolo, Germain Kakouji. Le président Ali Bongo Odimba, Papa Maurice Nguesso, président Beto Kangama Kapskor. La Pacifica Vélessie, la Massama Kiponanga, la Kobanga. Sono les ensoleillés pour les Wanga. La bandi Oyoki.